Is there any way out of this impasse? Came the time when he fell. Einstein has made the universe. I'm here. Bonjour. Ce disque va vous faire vivre une des plus grandes pages de l'histoire de l'humanité. Écoutez-le attentivement. D'accord. Mais attention. Nous y avons glissé volontairement plusieurs erreurs. Où sont-elles? Début à la fin de cette liste, nous vous indiquons clairement comment procéder. Vous proposez la pointe de lecture. Commencez à entailler les listes. De l'usure en observant précisément si la pointe commence à dominer le sillon. Voici à nouveau le si. Style qui vient, ce petit style est pour Jean-Marie. Jean-Marie qui dit que des conneries. Chef Youssouf, voilà style murder. Écoute ça. Voilà la chute. Béba. Voilà la chute. Yeah.

France à Denis Douche, Max dans le nitrate. Explosion. Boum, crépite, boum, crépite, boum, crépite la pulsion du vide. Boum, crépite, boum, crépite la pulsion du vide. When you're up bad, boppy, ya, ya, black and red. When you're down bad, boppy, lick you down further. Now it seems like it's the age of the yuppie. Dog eat dog and puppy eat puppy. Now them have a new style, so listen good. While me tell you about the boppy. Hit me and boppy. Mem, boppy. At the first me I hear about Bobby, that word was not in my vocabulary. Me take a look in the dictionary, me couldn't find it, so me check my friend Harry. Me ask him if he know what is a Bobby. Him say, oh, you mean you must think semi naughty. Him say, Bobby, that a dead somebody. Me say, go away from me, you idiot, that a dopey. Him say, whoops, slip at the tongue, I'm sorry. What I meant was a little doggy. Me say your tongue slip again, it can't and toddy. Me say what's a puppy, little dog is a puppy. Anyway, me check me brother who study. Straight away, him tell me the meaning of puppy. Them a file of fax, fast car and money. In fact, a puppy that is a blackie a bee. Mem, puppy. Bobby, moving bad, moving young, upwardly more by person is IOP. Young and rich with loads of money. Them make a lot of money and they make it quickly. Them have a very well paid job in the city. Them in a stock market, them in a property. Them have Porsche car with telephone in a heat. Expensive flat with jacuzzi. Then take jumbo jet like you take taxi. Them have the latest in a computer technology. Them have loads of money and them want you to see. Then not buy one house, then buy two and three. Then push up the prices of property. When them pay out with them, I could responsibly. But out of work, them go on like a baby. If you ever could, I sit them down, I see them party. The way them a go on, you think a school picnic. Anyway, that's enough about the upbeat. I thank the mention, the boom, bam, boom, bobby. Boom, bam, boom, bam, bobby. Boom, bam, boom, bobby. Bam, boom, bam, boom, bobby. Boom, bam, it's a nothing done wrong with that bobby. God, we know that some black people have money. Yes, we come a long way since slavery. If it was up to some, we wouldn't get a penny. But you have good bobby and you have bad bobby. Good body, them Irish, them help out in the community. Them not look down on anybody, body, bad body. Me say them not ready. Go on like them better than everybody. So sophisticated, itty tighty. They look on poor people like them dirty. Man, them not go a club where they let it naughty. Them always a complain, but they smell a sensey. But when them there with them friends in a high society, the whole of them would have burn off a whole earth. Why some you be quick to get out of jacket? Name the Bobby. Boom, bam, boom, bam, Bobby. Ba-boom, bam, boom, Bobby. Bam, bam, bam, bam, bam, Bobby. Bam, boom, bam, boom, Bobby. Paris, c'est ceux qui te connaissent, celui qu'on appelle Pasquale. Yeah boy. Tout, vous serez tous sur les fachos, parce qu'on prendra et de vaquer Chirac le pendant le même matou. Tout, vous serez tous sur les fachos, parce qu'on prendra et de vaquer Chirac le pendant le même matou. Il est gros, il est vieux, il est moche, il est bête, il me fait de la peine. Il est gros, il est vieux, il est moche, il est bête, son nom c'est Le Pen. Son nom c'est Le Pen, son emblème c'est le FN. Il n'a qu'une ambition, c'est de nous créer des problèmes. Comparé à Hitler, sa mentalité est la même. Il fait la chasse aux immigrés, c'est même pas la peine. Fasciste ou nazi, il prépare des stratagèmes pour pouvoir éliminer toutes les versions qui les gênent. Il ne fera pas longtemps de cesser une mauvaise reine. Ceux qui l'auront suivi, ils sont finis au même barème, ça s'appelle tout, vous serez tous sur les fachos, parce qu'en pendant et de vaquer Chirac le pendant le même bateau. Tout, vous serez tous sur les fachos, parce qu'en pendant et de vaquer Chirac le pendant le même bateau. Vous arrêtez pour lui aujourd'hui, n'en pleurez donc pas demain. Quand Jaja lui fera payer tous ses péchés de sa saint, vous vous repentirez bien. Dans la mercy. Yo. Palang, je suis comme toi, je n'aime pas ces gens-là. Je suis comme toi, non, je n'aime pas ces gens-là. Car les gens qui sont dans la mauvaise cadence, le racisme égale ignorant, je te le dis sur la scène mondiale. Et oui, c'est bien normal, pour tous les racistes ici même, oui c'est vraiment fatal. Des mecs comme Le Pen me font de la peine, mais ça fait rien, je te le redis. Il me fait de la peine, son nom c'est Le Pen. Mbalabalang, il me fait de la peine, hey, son nom c'est Le Pen. Mbalabalang, lingla, ceux qui ont voté le 16 mars 86. Je vous dis ces gens, ils ont fait bien des victimes. Ils ont opté pour un personnage rarissime. Le pire c'est qu'ils étaient dans l'ordre légitime. Tout comme Hitler quand il voulait ses victimes. Je vous dis ma foi, vous se levez contre le racisme. Pas se laisser bouffer par le patriotisme. Sans l'espoir ça sera comme le nazisme. Comme Céline quand il tenait le régime. Ça s'appelle tout, vous serez tous sur les fâchés. Ça s'appelle arrêter la partie, ça s'appelle arrêter la partie. Bon, arrêter la partie, ça s'appelle arrêter le régime. Arrêter la partie, ça s'appelle arrêter la partie. Bon, arrêter la partie, ça s'appelle arrêter les dégâts. Écoutez ce que je dis, écoutez ce message là. Une éducation pour ça, une éducation pour moi. Partout dans le monde entier on connaît ce problème là. Les fleurs qui viennent toujours du sud africain. C'est qui ont le pouvoir là. Je sais que j'ai contre Mandela. Il faut libérer Mandela, je te le dis comme ça. Libérer Mandela. Oh non, todom, nous le sommes vivants. Oh non, todom, nous le sommes vivants. Oh non, todom, nous le sommes vivants. Oh non, todom, nous le sommes vivants. Oh non, nous le sommes vivants. Oh non, nous le sommes vivants. Minimum. Nous le sommes vivants. Minimum. Minimum. Minimum. We'll be right back. It's 8:02, the coffee's cold. Shove it down and hit the road. Press the knee, let's kill the streets. Jump to the rhythm of the traffic flow. Punch the clock, I'm right on time. Boss is smiling, feeling fine. Telephone's ringing, telex singing, and the hips of the secretary pass by soon. Around about noon, you take a little break, maybe have a cheeseburger and a chocolate shake. Trade a few jokes, some anecdotes, a couple of laughs, and a couple of smokes. Afternoon's passing, it's 10 to 3. Up comes a question on my TV screen. And a shower, down a couple drinks, cause you got another hour. Get a little loose, take a change of clothes. Order up some pizza, anything goes. It's Friday night, better take a cab. Down too many, you could end up on a slab. So have another drink, cause you don't need to think about breathalyzer tests or driving in the sink. Take me to the party. Don't drink and drive. Take me to the party. That's my advice. Turn it up. Rip it down and burn it up and ho-ho, shut the game. You've got to pay, blow the door, hit the walls and slice the floor. Ho-ho, go out with the bang, bang. Record de Garriga, c'est sur 88.5 MHz. Se la vas a tu imagen pintada en una pared. Se la para verme reflejado en tus ojitos moros. mama, meet me mama. Thank you.

toujours un programme minimum. Minimum. dans tes yeux, je vois des couteaux. J'ai envie de te les crever. z Warszawy, tak zwaną przez państwa Romaszewskich, którzy kierują Komisją Interwencji i Praworządności NSZZ Solidarność. Zdziwiony się ludzi numer 16. W tej garażu przed drobią się dla Jerzego. W samym protestów mieszkańców, kilkaset podpisów pod listem do prezydenta Warszawy i ponad 1000 pod petycją do kurii, zgłosił projekt do budowy przez Christmas. Balloons, balloons. Records.